aveugleur, sortez vos étendards. Pensez que vous en avez marre de ce monde en suivi, rempli d'immigrés, en plus de vous aider pour cette solidarité. Assez de rumeurs et de médisances, le combat pour défendre la race blanche commence. Enfin vont prendre une anti-slatinée, alors défendre l'ensemble dans notre intérêt. Solidarité, c'est solution pour y arriver. Fraternité, aujourd'hui il faut appliquer. Solidarité, pour défendre notre identité. Fraternité, pour la France à tout jamais. La gueule à l'infini, bienvenue à terreur, la marche nos ennemis. Soyons unis pour l'éternité, ensemble faisons de grands projets. Pour la survie de notre race, nous affronterons nos ennemis au face à face. L'extinction se recommence dès aujourd'hui, et ne s'arrêtera que lorsqu'il fera nuit. Solidarité, cette solution pour y arriver. Fraternité, aujourd'hui il faut appliquer. Solidarité, pour défendre notre identité. Fraternité, pour la grâce à tout jamais. Solidarité, cette solution pour y arriver. Fraternité, aujourd'hui il faut appliquer. Solidarité, pour défendre notre identité. Fraternité, pour la France à tout jamais.